laissé traîner tes hanches devant mes yeux étanches d'habitude. Sensation subite qui m'habite, stalagmite qui se tend et qui n'attend que tes jambes en suspens. Attitude chaude sueur, des crampes et ses couleurs. C'est l'heure pour moi de nourrir mes sens. Tu connais cette transe, amplitude. Malléable à souhait, oh moi de souiller ce corps enchaîné, enchaîné, oh. Esclave docile qui sous mon fouet oscille, plénitude.